I never thought I'd see fallen leaves by the age of 23. Rage against the fading of all I used to know. Paths are all as permanent as footprints in the snow. Space and dreams are talked to death. We calcify as days drift by and settle without breath. Oh, not enough for you and not enough for me. Drifting further from the place I thought I'd be. Last hello and first goodbyes are littering the skies. I asked about you yesterday and I heard you're struggling. Just crumbling. My head just never seemed to stop swirling with cliche. How much made it to the page is much more than I can say. Oh, were we tuning up for a disappointing song? Building up to melodies that come out wrong. As the years slowly peel away, there's no reason to stay. Hello and welcome. Montez à bord, chers auditeurs, car c'est l'heure de prendre le large dans cette émission La Croisière Folk. Préparez-vous à voguer au travers des océans sonores de cette musique, à explorer des horizons musicaux inconnus et à découvrir chaque recoin de ce vaste genre. Je m'appelle Eric Cooper, je suis un petit peu votre capitaine musical pour cette aventure. Attachez-vous à votre casque, hissez les voiles et laissez-vous emporter par les vagues mélodiques de la musique folk sous toutes ses formes. C'est parti pour une expérience musicale unique ici sur votre radio. Et on a commencé avec Stephen Lockhart, avec Or and Result. C'est encore un artiste qui se produit dans The Narrowboat Session. Alors, la chaîne YouTube The Narrowboat Session, en fait, elle a un principe, c'est un bateau, hein, The Narrowboat Session. Ils invitent des artistes à jouer dans le bateau et puis ils filment la prestation et ils vous la rendent disponible pour la regarder donc sur cette chaîne The Narrowboat Session. Alors Stephen, il habite à Wrexham dans le Pays de Galles, il a obtenu un diplôme d'instituteur mais il a décidé de devenir musicien professionnel et joue depuis 15 ans. Sa première composition perso qu'on vient d'écouter, Our End Result, est une chanson nostalgique qui s'interroge sur de vieux amis. Et ce qu'ils font maintenant, elle parle aussi de la prise de conscience que nous n'avons pas atteint dans la vie, ce que nous pensons avoir fait à l'heure actuelle. Si vous voulez en savoir plus, Stephen Lockhart Music, c'est sa page Facebook. Et on va poursuivre avec Fairport Convention, The Happy Man, P.

singing in prison cell and dungeon vile. Our thoughts to them go winging when friends by shame are undefiled. How can I keep from singing? The blue above it, and day by day this pathway smooths. Since first I learned to love it, the grace of God restores my soul, a fountain ever springing. All things are mine since I am loved. How can I keep from singing? All things are mine. Can I keep from singing? À l'instant dans la croisière folk, Rusty Smith, Oh Can I Keep From Singing? Et tout de suite, voici 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nobody does it better. 1, 2, 3, je résume pour ceux et celles qui sont les nouveaux et nouvelles auditrices. Eh bien, c'est une partie de l'émission où on vous fait découvrir un album en 3 chansons. Et aujourd'hui, c'est l'album, le tout premier album de Basin et Grange, Walk You Down the Road. Et c'est cet album que j'ai le plaisir de vous présenter. C'est un véritable bijou hein, qui met en avant les célèbres harmonies de ce groupe. Il se compose de 10 chansons originales et de 2 reprises. L'une de ces reprises est Jenny Lynn, une chanson écrite par le regretté Ron Spears, un talentueux auteur-compositeur originaire de l'Utah et ancien membre de Fast Track. La chanson qui ouvre l'album, Pines of Caroline, a été écrite par Boyd Timothy, membre du groupe, et a été présentée lors de l'International Bluegrass Music Award Songwriter Showcase de 2021. Parmi les titres marquants de cet album, on trouve Bad Day at Sheep Creek, le single qui raconte la tragique histoire d'une jeune famille de l'Utah emportée par une crue soudaine en 1965. Alors, Basin et Grange, c'est un groupe de bluegrass acoustique. Il est composé de 5 musiciens talentueux dont les racines se trouvent à Salt Lake City. En 2022, ils ont remporté le concours inaugural du Durango Meltdown Bluegrass Festival et ont été invités à se produire sur la scène principale en 2023. Connu pour ses chants d'harmonie bluegrass, le groupe se produit régulièrement dans la région de Intermountain West. Ne manquez pas bien sûr de découvrir Walk You Down the Road, un album qui promet de captiver tous les amateurs de bluegrass et de musique acoustique. Et de cet album, 3 morceaux, Echo in the Pine, Bad Day à Sheep Creek et 7 Years. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. La la la la la. Yesterday we laid him down in a grave up on the hill, and he looks into the sky from the Blue Ridge where he lies. Younger days had fared him well. He lived just across the lane. Every day he passed the time, working hard on the trains. And and she can't remember when they last held each other tight, and she hears it in the wind, his voice echoes in the pines. It had been a good old time. Can't turn back her age or mind. Different days are here to stay, and she can't remember when they last held each other tight. And she hears it in the wind, his voice echoes in the pines. With her hand, and they know it's not the end. Someday Dad will live again, and they can't remember when they last held each other tight, and they hear it in the wind, his voice echoes in the pines. Echoes in the pines. Chilling morning air, spring of 1965. Climbing up the road, canyon walls are gold. All the green is finally peeking through. Pitch the tent then, summer can begin. Sky is alive and so blue. But it's trouble for Sheep Creek, the winds are rushing in. Lightning hits and thunder cracks that you'll never see again. Can't stop the rain from pouring, the river's raging tall. Bad day at Sheep Creek when Seven lost it all. Settled for the night, they heard the mountain moaning awful sound. Never stood a chance, dam could not hold back. 40 feet of wreckage crashing down. Well, there's trouble in Sheep Creek, the winds are rushing in. Lightning hits and thunder cracks that you'll never see again. Can't stop the rain from pouring, the river's raging tall. Bad day at Sheep Creek when Seven lost it all. One rock stands alone, untouched by the storm, bears the names of those lost at the scene. Only six were found, from that cruel ground, taken in the night from their dreams. Well, there's trouble in Sheep Creek, the winds are rushing in. Lightning hits and thunder cracks that you'll never see again. Can't stop the rain from pouring, the river is raging tall. Bad day in Sheep Creek when seven lost it all. Gone but not forgotten, their silent call. Bad day at Sheep Creek when seven lost it all. Un, deux, trois. 7 years I waited for. 7 years, so what's one more? When will you come around? Another year is in the ground. Far away we did roam, heard the forest's lonesome tone. Nights were cold and days were long. You were there, but now you're gone. I wandered down a winding road. It was wide, then it narrowed. Led me to a crooked tree, drifted off and fell asleep. 7 years I waited for. 7 years, so what's one more? When will you come around? Another year is in the ground. Wished it could be summertime. The days are long and nights are warm. Woke up just before the dawn. 7 years I waited for. 7 years, so what's one more? When will you come around? Another year is in the ground. I called home. Nights were cold and days were long. You were right and I was wrong. 7 years I waited for. 7 years, so what's one more? When will you come around? Another year is in the ground. When will you come around? Another year is in the ground. Un, deux, trois. Et un album de plus que l'on vous fait découvrir, c'était du bluegrass avec le premier album de Basie Grange, Walk You Down the Road, trois chansons, Echo in the Pines, Bad Day at Sheep Creek et 7 Years. Maurice Carême, on fête le 125e anniversaire de sa naissance et on passe des poèmes également dans cette émission. Aujourd'hui, c'est un homme simple. C'est un poème qui a été publié en 1948 dans le recueil intitulé La Maison Blanche. Alors, Maurice Carême, je vous le rappelle, est un poète belge de langue française. Il est connu pour la simplicité et la musicalité de ses vers. La Maison Blanche, donc d'où est extrait ce poème Un homme simple, est l'un de ses recueils les plus célèbres. Ensuite, eh bien, il y aura Véronique Chalot, Chant de la mer, extraite de son album de 1978, 78, donc J'ai vu le loup. Et cet extrait, donc, c'est sorti sous le label Materiali Sonori, qui est une maison de disques italienne indépendante. C'est un atelier musical, théâtral et culturel qui est en activité depuis 1977, mais officiellement fondé le 15 février 1979 à San Giovanni Valdarno en Toscane. Bonjour à tous les Italiens qui nous écoutent. Quant à Véronique Charlot, c'est une chanteuse de musique folk médiévale et multi-instrumentiste française. Elle nous a quittés en 2021. Elle avait 71 ans. Ensuite, il y aura Ariane Nadeau du Québec, Fragment de Courage, extrait de son album Port d'attache de 2023. Et puis Ojos de Brujo, Tanguilos Marineros. J'espère que vous appréciez cette émission. Je voudrais vous rappeler, tiens, je n'ai oublié de le faire en début d'émission, qu'on a une page Facebook qui s'appelle La Croisière Folk. N'hésitez pas à la liker. Et si vous voulez nous écrire, l'émission a un petit mail, lacroisièrefolk, tout attaché, @yahoo.com. Un homme simple. Il puisait de l'eau. Il cassait du bois. L'ombre des oiseaux étoilait son toit. Il semait du blé. Il fauchait du foin. Le coteau entier riait dans son pain. Il était si simple que ses yeux, en mai, pour tous, fleurissaient comme des jacinthes. Et quand il priait, tout seul, sous son toit, Jésus, dans son ombre, regardait le monde à travers ses doigts. dodelinée de votre grosse tête dans une intention inavouable. D'abord, cher ami, je n'ai pas une grosse tête. Ensuite, je n'ai pas dodeliné. Si je pouvais revoir cette jeune fille, je dirais quelques mots. Viens avec moi, on va se promener. Je t'amène au bord de l'eau. Qu'est-ce que tu vois quand tu regardes? Je te l'ai devant toi. Malgré les craintes, malgré les orages, maintenant laisse ces étincelles raviver la flamme. Les rêves, les buts, les ambitions de cette fille devenue femme. Mes rêves, les yeux grands ouverts, fais encore un pas de plus vers ce qui te rend fier. Dans le blanc des yeux, je lui dirai de tout ce qu'il faut. Pensé donde te dejó, lo pequeño, véalo. Dans la croisière folle, eh bien, je vous propose la séquence, la minute astuce. Bienvenue dans la minute astuce, votre cocktail d'ingéniosité pour pimenter votre vie. Dans chaque chronique, on vous livre les secrets malins pour simplifier votre quotidien et rendre chaque journée un peu plus douce. Que ce soit en cuisine, en bricolage, en santé ou même en beauté, la minute astuce vous offre les clés pour dompter tous les défis du quotidien. Alors, accrochez-vous pour une minute ou deux et découvrez comment devenir le roi ou la reine de la vie pratique avec nos astuces éclairs. Prêt pour un coup de génie? C'est parti pour une minute ou deux d'astuces qui révolutionneront votre quotidien. Et aujourd'hui, je vous propose une recette de déodorant fait maison. Fabriquer son déodorant, eh bien, vous permet de savoir exactement ce qu'on met sur sa peau. Le bicarbonate de soude, sachez-le, est un déodorant naturel. En extra fin, donc qualité alimentaire, il peut être utilisé pur sous les aisselles. Pour les peaux sensibles, on peut y ajouter quelques ingrédients adoucissants. Alors voici donc la recette. Pour un pot de 60 ml, il vous faut 40 g d'huile de coco, 6 g de cire d'abeille, 15 g de fécule de maïs, 35 g de bicarbonate de soude et 20 gouttes d'huile essentielle de palma rossa. Alors vous commencez par faire fondre l'huile de coco et la cire au bain-marie. Lorsque tout est fondu, ajoutez la fécule et le bicarbonate en même temps, mélangez. Quand la préparation est homogène, hors feu, ajoutez l'huile essentielle et mélangez. Mettez rapidement en pot. En utilisant chaque jour, il durera environ 10 mois et vous coûtera 2 euros. Attention, ne pas utiliser après l'épilation ou le rasage. Et c'est une recette que j'ai trouvée sur le site zero-déchets.bruxelles.be. Et je vous propose tout de suite eh bien, de continuer avec la musique, avec Julius Bocarne, le chanteur mécanique. Cet extrait de ce coffret qui reprend les chanteurs qui ont participé au festival de Burgwaldeck en Allemagne, festival qui a eu lieu entre 64 et 69. Et donc on écoutera cette chanson, le chanteur mécanique de Julius Bocarne de 66. Ensuite, je vous l'avais promis, la seconde version du Déserteur, c'est encore extrait donc de Burgwaldeck Festival, et lui il l'a chanté en 66 aussi, c'est Nonno Breitenstein qui va nous interpréter le Déserteur. Et puis en 67, dans ce festival de Burgwaldeck, eh bien c'était Terry Gould avec The Fox. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre. Vous écoutez La Croisière Folk, une émission qui vous fait voyager et puis découvrir toutes les facettes de la musique folk. Mettre une thune dans le chanteur mécanique, vas-y Frédéric, au bistrot du coin. Le petit rond tourne, c'est vraiment très pratique, c'est beau l'électronique, disons merci bien. Parfois c'est une bande de coyotes qui chante et crachote des sons qui rapportent. La machine grince et caote, y'a rarement des gavottes, Mozart est à la porte. Où sont les bardes, les troubadouriens qui couraient les chemins avec leur mandoline? Ils sont réduits à vivre comme des chiens, ils sont comptés pour rien. Il Ils courbent les chines avant eux. On voit les dompteurs, les monteurs de filles et les montreurs d'ours. Les gens n'écoutent plus qu'avec les yeux, bouge donc un peu mon vieux. Tu seras coté en bourse. Les inventeurs, les petits artisans, les indépendants font plus que des cubes blancs. Ils deviennent des petits fonctionnaires, vivent une vie pépère, leurs rêves sont en l'air. Car les écus aussitôt venus sont vite perdus, les idées s'envolent. Les percepteurs commencent par le beurre puis étouffent le cœur. Le génie s'étiole. Les ronsards qui vivent aujourd'hui vont voir si la rose en papier se fane. Leurs mijaurées sous leur parapluie font des minauderies. Leur cœur est en panne. Où est donc la vieille liqueur, la pierre philosophale, la douce ambroisie? Les arbres inventent heureusement toujours leurs feuilles au beau jour. Pour eux, c'est ça la vie. Mettre une thune dans le chanteur mécanique. Vas-y, Frédéric, au bistrot du coin. Le petit rond tourne, c'est vraiment très pratique. C'est beau l'électronique. Edison, merci bien. Merci, Edison. Eine Chanson von Boris Vian, das viele von Ihnen bestimmt kennen, den Deserteur. Monsieur, quand homme grand, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Ihr sogenannten großen Herren, ich schreibe euch einen Brief, den ihr vielleicht lesen werdet, wenn ihr die Zeit dazu habt. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour aller à la guerre avant mercredi soir. Ich habe soeben meinen Stellungsbefehl erhalten. Monsieur, quand homme grand, je ne veux pas le faire. Je ne suis pas sur terre pour tuer les pauvres gens. Ihr sogenannten großen Herren, ich werde es nicht tun, denn ich bin nicht auf der Welt, um arme, unschuldige Menschen zu töten. Monsieur, quand homme grand, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être. Si vous avez le temps, je viens de recevoir mes papiers militaires pour aller à la guerre avant mercredi soir. Monsieur, quand homme grand, je ne vais pas le faire. Je ne suis pas sur terre pour tuer les pauvres gens. C'est pas pour vous fâcher, s'il faut que je vous dise, les guerres sont des bêtises, le monde en a assez. Depuis que je suis né, j'ai vu mourir des pères, j'ai vu partir des frères et pleurer des enfants. Ma mère a tous offertes et d'autres second berges, et vivent à leur aise, malgré la boue des sangs. Il a des prisonniers, on a volé leurs âmes, on a volé leurs femmes, et tout leur cher passé. Demain, à bon matin, je fermerai ma porte, au nez des années mortes. J'irai sur le chemin. Je m'endrirai ma vie sur la terre et sur l'onde, au vieux, au nouveau monde, et je dirai aux gens: profitez de la vie, éloignez la misère. Nous sommes tous des frères, gens de tous les pays. S'il faut verser du sang, allez, donnez le vôtre. Vous êtes des bons apôtres, monsieur, qu'en homme grand. Si vous me poursuivez, prévenez vos gendarmes que je n'aurai pas d'armes et qu'ils pourront tirer. tirer. La croisière folk. It's supercalifragilisticexpialidocious. Fox went out on a chilly night, prayed for the moon for to give him light, for he'd many a mile to go that night before he reached the town of town of town of. He'd many a mile to go that night before he reached the town of. Das können Sie mitsingen, Nick. Town of. Town of, town of, he'd many a mile to go that night before he reached the town of. He ran till he came to a great big bin where the ducks and the geese were put therein. A couple of you will grease my chin before I leave this town of, town of, town of, before I leave this town of. Then he grabbed the grey goose by the neck, throwed a duck across his back. He didn't mind their quack, quack, quack, and the legs all a-dangling down, oh. Down, oh, down, oh. He didn't mind their quack, quack, quack, and the legs all a-dangling down, oh. Then old Mother Flipper Flopper jumped out of bed. Out of the window she cocked her head, crying, John, John, the grey goose is gone. Fox is on the town, oh. Town, oh, town, oh. John, John, the grey goose is gone, and the fox is on the town, oh. Johnny ran to the top of the hill, blowed his horn both loud and shrill. Foxy said, I better flee with my killer, they'll soon be on my trail, oh. Trail, oh, trail, oh. Foxy said, I better flee with my killer, they'll soon be on my trail, oh. He ran till he came to his cozy den. There were little ones, 8, 9, 10. They said, Daddy, better go back again, cause it must be a mighty fine town, oh. Town, oh, town, oh. They said, Daddy, better go back again, cause it must be a mighty fine town, oh. Then the fox and his wife, without any strife, cut up the goose with a fork and knife. They never had such a supper in their life, and the little ones chewed on the bones, oh. Bones, oh, bones, oh. They never had such a supper in their life, and the little ones chewed on the bones, oh. Hey, you! Ça y est, c'est fini. Et c'est ici que se termine la croisière folk. Le temps passe, hein, comme une mélodie qui s'éteint doucement, mais la passion pour la musique folk, elle ne s'éteindra jamais. Alors merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. N'oubliez pas de prendre le temps de savourer la richesse de la musique folk au quotidien. À bientôt pour une nouvelle aventure sur la croisière folk. Et on se quitte avec un groupe belge, Cecilia, avec The Zwarte Beek, le ruisseau noir. Beek, oui, ça veut dire ruisseau. Et d'ailleurs, il y a pas mal de communes en Belgique et de villes qui ont Beek. Par exemple, Etterbeek, où je suis né, ça veut dire ruisseau puant. Donc Etter, en vieux flamand, ça veut dire ruisseau. Et Molenbeek, une commune dont on a parlé dans la presse il y a quelques années, eh bien, ça veut dire le moulin du ruisseau. Il devait sans doute y avoir un moulin et un ruisseau il y a très très longtemps, avant que je ne sois né dans cette commune. Allez, Cecilia Zwartebeek, merci de votre fidélité. Nous en étions déjà à la 250e émission de la Croisière Folk. Comme ça, vous savez tout. Allez, que la force soit avec vous et avec tous les autres. Et rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye. I'll be back. J'ai glissé, chef. On se bouge la cellulite, là. Thank you. La croisière folk. Wow! I feel good.